Bonjour et bienvenue à tous sur Jeunesse Live, l'émission jeunesse de la semaine, toujours avec Corentin, Jordan, Ismaël, Marcelo et Thierry. Et Berat. Aujourd'hui, nous allons parler nature avec Thierry Poli de la Maison de la Loire. Pouvez-vous vous présenter ? Mais d'abord, je suis très heureux de faire votre connaissance et d'être parmi vous aujourd'hui pour cette grande question de l'eau. Enfin, pour moi, ça sera l'eau de la Loire. Et voilà, pour me présenter rapidement, en fait, je suis Thierry Poli. Ça va faire 28 ans que je travaille à la Maison de la Loire comme coordinateur. Donc, ça fait trop longtemps. Et donc, depuis 28 ans, en fait, j'essaie, comme mes collègues, de faire au mieux pour éduquer, sensibiliser, informer le public et faire découvrir le fleuve sur toutes ses dimensions, notamment au travers d'expositions, d'une bibliothèque et de quelques ressources que possède la Maison de la Loire, et beaucoup d'animations que l'équipe d'animateurs met en œuvre, des conférences, des journées thématiques, et la Maison de la Loire, c'est une association. Donc ça veut dire qu'elle a aussi une vie associative. Voilà, pour faire rapide. Et quel a été votre parcours jusqu'ici ? Alors depuis 28 ans, comme je disais, je suis toujours à la Maison de la Loire. Avant, j'ai enseigné au Greta en formation continue. J'ai un parcours un peu naturaliste, porté un peu sur l'anatomie, l'ostéologie au départ. Voilà, ce qui m'a amené en fait indirectement en tant que enseignant et puis en tant que, c'est vrai, passionné de nature, ça m'a amené à la Maison de la Loire au bout de quelques années. J'y suis rentré en 96. Voilà, et c'est vrai que comme beaucoup d'associations, eh bien, il y a beaucoup à faire et il y a beaucoup à faire aussi, à faire découvrir. Est-ce que votre métier est difficile ? Alors, je dirais que quand même, il y a deux questions dans ta question. La première, c'est que beaucoup de gens s'imaginent que les métiers de l'environnement sont des métiers finalement faciles, qu'on fout rien. Par exemple, nous, quand je suis arrivé à la Maison de la Loire, beaucoup de gens s'étonnaient de savoir que des salariés pouvaient travailler à la Maison de la Loire. C'était comique de me voir que des gens pensaient qu'on ne pouvait être que des bénévoles, parce qu'il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, Dieu merci, après plus de 20 ans, les métiers d'animation, d'éducation à l'environnement existent, sont nécessaires et sont défendus, je dirais aussi politiquement. Et donc, dans ta question, il y a un aspect positif, c'est-à-dire que les choses ont évolué, nos métiers sont importants, mais le côté un petit peu difficile derrière cette reconnaissance, c'est qu'effectivement, éduquer, sensibiliser, ça prend beaucoup de temps, ça demande des moyens, et ça demande aussi une volonté que je qualifierais de volonté politique. C'est comme le patrimoine, c'est comme l'éducation. Donc c'est vrai que nos métiers sont indirects, enfin en ce qui nous concerne, sont indirectement liés aussi aux partenaires publics. Donc je dirais que les gens se représentent donc métier de l'environnement comme idyllique. On est toujours dans la nature. On regarde, on observe la faune, la flore, etc. Eh bien, c'est pas vrai. Je vais casser le rêve peut-être pour certains d'entre vous, mais ces métiers-là, c'est faire vivre les associations, défendre ce qu'elles sont, défendre les valeurs et défendre aussi les moyens qu'elles ont à mettre en œuvre. Et c'est peut-être plus difficile que dans certains secteurs, comme le tourisme par exemple. Ai-je répondu ? Oui, merci. Bonjour, en quoi porte votre métier plus en détail ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien par exemple ? Alors, au quotidien, je suis incapable de le dire. Coordonner, coordinateur, c'est faire... D'abord, prendre part un peu à toutes les activités de la Maison de la Loire. Je fais moins d'animation que les autres, mais j'en fais. C'est essayer d'activer les réunions, essayer de suivre aussi les partenariats de l'association. C'est essayer beaucoup de faire du lien entre les administrateurs et les collègues salariés. C'est prendre part un petit peu à tout pour veiller à ce que on essaie de que tout se passe bien. Voilà en deux mots, c'est pas facile parce que les gens imaginent que vous faites rien et que les autres font. C'est pas si facile, c'est être aussi à l'écoute, c'est être aussi, comme on le peut, représenter l'association et les gens qui y travaillent. Alors ça, c'est pas facile du tout, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui ont l'impression de pas être compris. Et c'est, je dirais, pour moi, en tout cas en ce moment, on est en plein dedans, c'est être entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les administrateurs et les salariés, Et c'est pas facile, c'est pas facile en fait, voilà. Mais ça vaut la peine d'être vécu. Merci Thierry. Et est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez pensé à être à l'heure d'aujourd'hui ici? Alors d'abord, je suis jeune, déjà pour commencer. Non, je plaisante. J'ai 60 ans, j'ai 60 ans cette année, donc je suis plus jeune. Eh oui. Non, fais pas l'étonner, c'est pas la peine. Donc non, franchement, non. Pas du tout. Quand je suis arrivé à la Maison de la Loire, je pensais y rester un an. Et puis, ça dure un peu. Et non, je pensais pas. Je projetais pas, en fait. Je voulais faire autre chose. J'ai une question. Comment fonctionnent les crues? Alors, mais c'est une très bonne question. Alors, les crues, en fait, je vais commencer par m'appuyer sur les constats souvent du public. Parce qu'à la Maison de la Loire, on essaie de prendre des idées préconçues, des clichés, des erreurs, en fait, quand on reçoit du public, et puis d'essayer de rétablir un peu, non pas la vérité, mais un cheminement qui va amener à une prise de conscience. Donc, en fait, les crues, bien souvent, les gens pensent que c'est une question de hauteur. C'est-à-dire qu'il y a une crue de la Loire à partir de tant de centimètres de la montée des eaux. Et encore plus fort, on va dire qu'il y a une inondation quand ça monte de... Non. En fait, la crue, c'est simplement un état du lit de la Loire lié à la montée des eaux, principalement lié à la pluie, à la neige et à la pluie. Donc la crue et la décrue, c'est quand l'eau, le niveau de la ligne d'eau d'un cours d'eau, va descendre. Donc après, comment elles fonctionnent? Elles sont alimentées par les pluies, elles sont alimentées aussi par... indirectement la gestion des barrages de Villeray, des barrages. Mais en tout cas, nous, on va surtout s'intéresser alors, à la genèse, comment elles sont liées. C'est souvent lié aux pluies. Alors, les grandes crues sont souvent liées aux pluies qu'il y a en Haute-Loire et aussi sur l'ensemble du bassin de la Loire. C'est ce qu'on appelle des crues mixtes, où il y a les deux types d'alimentation de l'eau dans les cours d'eau et donc la Loire. Et donc, la neige contribue un peu. Mais finalement, à l'échelle de la Loire, c'est surtout la pluie, les pluies, en fait, qui vont provoquer la montée des eaux. Eh bien, merci. Est-ce qu'en Indre-et-Loire, les nappes phréatiques sont comment? Elles sont pleines, vides? J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Moi, je dirais qu'actuellement, c'est vrai qu'on le ressent, les habitants d'une ville s'inquiètent sur les nappes. S'inquiète sur les nappes parce que ça se dit, ça se répète, et surtout parce qu'on constate effectivement depuis quelques années, quand la Loire est très basse, c'est-à-dire quand les étiages, le niveau des basses eaux est vraiment très très bas, il y a donc tout de suite une inquiétude sur le fait que les nappes manquent d'eau. Et c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les nappes manquent d'eau parce que il y a des mécanismes qui amènent cette limitation d'alimentation des nappes. Mais là, dans l'actualité, on parle beaucoup, vous avez entendu, de réchauffement climatique. Mmh. Hein? Mais en fait, c'est le dérèglement climatique qu'il faut voir qui est beaucoup plus large. Et dans ce dérèglement climatique, il y a effectivement le fait que les cours d'eau souffrent. Parce que les étiages sont sévères, donc je pense aux poissons, je pense à la biodiversité qu'il y a dans les cours d'eau. Ça va souffrir. Mais il y a un souci aussi, c'est les actions humaines. Parce qu'on a quand même des terrains agricoles qui fait que l'eau ne s'infiltre pas, mais circule. Et il y a l'artificialisation des sols. À l'échelle d'une ville, par exemple, Amboise comme d'autres, eh bien on a les parkings, on a l'urbanisation, qui a une croissance assez importante. Eh bien, toutes ces zones-là, où le sol est recouvert, où il est goudronné, où il est artificialisé, c'est un empêchement à la circulation normale. Et en fait, ça répond un peu à ta question. Donc forcément, il y a une incidence sur le remplissage des nappes, alors qu'en fait, une ville peut être complètement inondée rien qu'avec la pluie. Parce que justement, cette eau-là circule et ne s'infiltre pas. Merci, je vais passer la main à Ismaël. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ton métier? Tout. Enfin, tout, non, sauf quand on m'enquiquine. Ça m'intéresse pas. Mais sinon, non, je dirais que les espèces sont vraiment... entre la communication, entre l'éducation, je disais un peu l'animation, parce que c'est vrai que c'est important aussi de garder pied avec le terrain et d'être en contact avec le public. Bon, alors, ce qui me gave, en fait, mais je pense que mes collègues, c'est le même cas, c'est que les associations comme les nôtres sont de plus en plus dans un univers administratif, mais plus que ça encore, on doit rendre des comptes. Bon, nous, nous avons, comme d'autres maisons de Loire, nous sommes donc financés par de l'argent public, hein, l'État, le conseil régional, le département. Et puis, nous, on a la ville de Mont-Louis qui est un partenaire très important. Eh bien, ça, je dirais, ça repose aussi sur des documents, des conventions. Donc, il y a un aspect rédaction administrative, il y a un aspect fournir des bilans, il y a un aspect, en fait, je vais être méchant, mais paperasse, qui est très lourd, qui fait qu'aujourd'hui, les associations qui vivent de l'argent public, franchement, elles doivent beaucoup se justifier. Ça, c'est gavant. Mais je vais tourner ta question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui est excitant? Qu'est-ce qui fait vraiment se lever le matin et... Bon, moi, dans mon poste de coordinateur, je dirais que, bon, c'est pas génial, mais il y a ce côté relation avec le public qui est extrêmement important. Quand quelqu'un te dit en face les choses sur lesquelles tu sens que tu peux travailler, tu peux faire un discours d'éducation en disant « Mais non, vous vous trompez, on va vous montrer que ça fonctionne autrement », ça, c'est... Là, je dirais qu'on prend un pied pas possible, quoi. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé d'animal marin. Est-ce que vous avez un animal marin préféré? Un animal marin, oui, bah, j'en ai plein d'animaux marins qui me passionnent. Parce qu'en même temps, je fais de la paléontologie, donc je vais fouiller dans les phalanges. Donc, les requins, ça me passionne. Les mammifères marins, ça me passionne. En fait, tout ce qui a un squelette me passionne, quoi. Donc, si tu veux, il y a des animaux marins qui sont très importants. Et puis, moi, ce qui me passionne quand même dans les animaux marins, mais comme dans le reste, c'est plutôt ce qui n'est pas très vendeur, quoi. Donc, ce que les gens vont plutôt laisser, parce que c'est petit, parce que c'est important. J'avoue avoir un petit penchant pour tout ce qui est microscopique. Plancton, pour une raison, parce que c'est un monde qui est absolument fabuleux. Et puis, c'est aussi ce qui nous permet de nous fournir de l'oxygène. Le plancton, les algues du plancton, on parle beaucoup de la forêt amazonienne, mais toutes ces espèces d'algues et d'organismes végétaux vont faire de la photosynthèse et vont nous permettre, à nous, gros animaux, marins ou pas, d'avoir de quoi respirer. Et c'est aussi une des bases de la chaîne alimentaire. Donc voilà, tu vois, ta question avait beaucoup de sens, en fait. Donc, les petites bêtes me passionnent, les petites plantes aussi. Et ce qui ne veut pas dire que je néglige les requins, les baleines, etc. Mais j'aime bien qu'on parle de protection quand on prend la globalité des choses. D'accord, merci. J'ai une question. C'est un peu en lien avec ça, mais est-ce que votre métier est en lien avec les animaux ? Indirectement, oui, parce que il y a une grosse biodiversité sur la Loire et forcément, les animaux, d'abord, sont des indicateurs. Ils sont des indicateurs de l'état de nos milieux naturels. Et puis, ce sont des, on va dire, ce sont des phares aussi pour le public. Ce sont des espèces, on parle des fois d'espèces phares. C'est pas parce que c'est du showbiz, hein. C'est pas parce qu'il y a un oiseau qui est plus beau qu'un autre qu'on va le mettre en avant, pas du tout. C'est un peu comme ma réponse à la dernière question, c'est-à-dire de faire découvrir aux gens ce qu'ils ne connaissent pas et, on va dire, faire aimer aussi, défendre. C'est ça, protéger. C'est pas seulement dire « ça c'est joli, on aime bien ». Non, non, c'est justement avoir une envie de découvrir et faire découvrir pour permettre aux gens de voir autrement les choses. Donc les animaux, oui, comme les plantes, comme les paysages aussi. Parce que tout ça nous parle, et quand on est sur la Loire, il y a une biodiversité. Mais sur cette biodiversité, intimement liée, il y a des éléments naturels que sont l'eau, le sable, et surtout les paysages qui évoluent. Donc ça, eh ben, il faut savoir s'y intéresser, le lire, essayer de le comprendre, et de le faire comprendre. Et à quoi consiste la Maison de la Loire ? Alors, la Maison de la Loire, c'est une association qui est basée à Montlouis-sur-Loire. C'est la Maison de la Loire dite d'Indre-et-Loire, parce qu'elle représente un département. Et c'est un bâtiment que nous met à disposition la municipalité de Montlouis. Et donc, la Maison de la Loire, elle donc accueille un public dans le cadre de ce que l'on appelle un centre de ressources, avec une bibliothèque. Elle est aussi pas mal représentée dans des réunions, des groupes de travaux. Elle apporte son savoir, en fait. Et puis, il y a des expositions permanentes et temporaires. Chaque trimestre, il y a une nouvelle exposition temporaire. Il y a des conférences et il y a des journées à thème, comme par exemple notre journée porte ouverte. Et avec cela, le gros du travail, c'est quand même de faire des sorties découvertes, de faire des ateliers en salle sur différents thèmes pour les écoles, les collèges, les lycées, mais aussi pour les familles. On a un programme semestriel où il y a des animations dans lesquelles tout le monde peut s'inscrire, participer. Très bien, merci. Est-ce que vous avez besoin de patience pour exercer ce métier ? Déjà, il faut que je sois patient avec moi-même, déjà. Et en même temps, je ne sais pas, oui, il faut de la... oui, il faut une patience, oui, je dirais. Oui, aujourd'hui, il m'en a fallu, par exemple. Ouais. Mais bon, okay. C'est presque tout le temps. Mais il faut de la patience, mais je pense qu'il faut de la conviction. La patience, c'est la sœur de la conviction, mais je pense que la conviction, c'est important. D'avoir de la volonté et d'avoir... je ne vois pas ce que dire, une certaine passion. Quand on est passionné, enfin quand on essaie de mettre du cœur en tout cas à une tâche, moi quand j'étais gamin en classe et que j'écoutais pas, j'avais un prof qui me disait toujours, c'est pas pour vous donner les leçons, hein, mais qui me disait, tu t'ennuies à mon cours? Enfin, je leur répondais oui. Et il me disait, écoute, il n'y a qu'une solution pour ne pas t'ennuyer, c'est participer. Tu verras le temps passer plus vite. Donc la Maison de la Loire, c'est pas ça. Hein. Mais néanmoins, je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut mettre un peu de sa conviction. Parce que ça... Alors ça, c'est autre chose et ça permet aussi de mieux communiquer avec les gens. Moi, j'aime pas les gens pas passionnés. J'ai une question. Avez-vous des enfants ? Oui. Combien ? Deux. Quel âge ? Carte d'identité ? Je les ai pas sur moi. Ça dit, ils sont grands, mes enfants. J'ai une autre question. Non, faut pas, je te sens gêné, faut pas être gêné, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai une autre question. À quel âge vous avez commencé votre métier ? J'étais un ancien prof de maths, mais j'ai du mal à calculer. En 1996, fais le calcul. Donc, j'ai 60 ans. Allez, 60 ans moins 28, ça fait combien ? 42. Vous avez dit combien ? J'ai 60 ans, donc t'enlèves 28 ans. Ah, 28. Ah, du coup, 32. Voilà. J'avais passé mes 30 ans. Ah oui. Ok. Merci pour votre réponse. Moi, j'ai une question. Quels sont les risques d'inondation, s'il vous plaît ? Alors, quels sont les risques d'inondation ? Cette question, elle est très, très large. En fait, moi, j'aurais préféré que tu demandes, y a-t-il des risques d'inondation ? Bien sûr. Parce que, pour parler que de la Loire, et pour parler de villes comme Tours, Amboise, Lussot, voilà, toute notre linéaire sur la rive gauche et la rive droite, là, notre tronçon de Loire, je dirais, de la région, eh bien, évidemment, nous avons, enfin, pas moi, évidemment, mais l'homme a connu des grandes inondations où il y avait de l'eau sur la route, hein, donc ça, c'est important. Et la grande question derrière ça, c'est, quand tu dis, y a-t-il des risques d'inondation ? Est-ce que ça peut revenir ou pas ? Alors, bien sûr que ça peut revenir. Et ça va revenir. Et vous avez toutes les chances. Je suis désolé de mettre un peu de désordre dans votre... Mais vous avez toutes les chances de le vivre, ou de le voir vivre, hein, parce que les crues dites exceptionnelles, qui ne sont pas exceptionnelles, mais qui sont quand même très fortes et plus rares... sont des crues qui sont liées à des hasards climatiques, comme celle de 1856, où il pleut beaucoup, en Haute-Loire et sur l'ensemble du bassin. Et ces crues, donc, vont générer des grandes inondations. Et je dirais que, en plus, depuis maintenant la dernière grande crue, à 170 ans, eh bien, l'homme a urbanisé encore plus. Il s'est rapproché du lit de la Loire sur des zones qu'il a estimées non inondables, mais qui le sont bien. Ce que je disais tout à l'heure, l'urbanisation, notre artificialisation, fait que non seulement les événements vont revenir, évidemment, technologiquement, on a évolué, on saura peut-être mieux se préparer. Par contre, autre problème dans le problème, nos habitations ne sont pas celles, notre vie, nos industries, etc., ne sont pas celles qu'il y avait il y a plus de 150 ans. On est mieux préparé d'un côté, mais par contre, de l'autre, on sera plus vulnérable. Parce qu'on est dépendant de notre technologie. Donc cette technologie qui nous fait avoir une plus grande capacité de prévoir, de gérer, de nous déplacer, d'informer, eh bien, c'est aussi cette technologie qui nous a rendus plus dépendants que nos anciens par rapport à ce qu'ils avaient. Alors, je prends l'exemple d'une maison. Hein. En 1856, je pense que... Je connais les maisons, elles n'avaient pas la moquette murale. Non. Elles n'avaient pas les prises électriques. Elles n'avaient pas le réseau d'assainissement. Non. Elles n'avaient pas les routes goudronnées que vous allez emprunter pour aller à l'école. Ou... Chouette, il n'y aura pas d'école. C'est génial. Voilà. Donc, en fait, il faut bien comprendre ça. Et on est très... L'homme reste assez prétentieux par rapport à ça. Donc, les risques, te dire quand, comment, jusqu'où on sera impacté, ça, c'est... Il faut suivre l'actualité et en être conscient. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Ben, ça me rapprochait plus des affinités que j'avais envers la nature et l'anatomie. J'ai pas pu faire ce que je voulais parce que j'étais parti sur autre chose un peu barré, quoi. Et en fait, j'ai donc pris ces fonctions-là, la Maison de la Loire, et j'y suis toujours. Ça me rapprochait de mes envies initiales et de mon projet initial. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des avantages grâce à votre métier, comme une voiture, un téléphone de fonction, par exemple ? Alors là, la question à pas poser. Ah. Ouais, non, mais... Bah, les avantages, pas particulièrement. Alors, on a une voiture de fonction à la Maison de la Loire, hein, pour te répondre. Alors, les avantages, c'est de pouvoir travailler dans un contexte, même s'il est quand même... anxiogène par le fait qu'on repose sur des financements, que c'est pas facile, que à la Maison de la Loire, on n'est pas très nombreux, donc il y a du boulot pour beaucoup plus, mais malheureusement, voilà, on en est là, mais beaucoup d'associations vivent ça. Mais le côté intéressant, c'est évidemment la mission que l'on a. Évidemment, les gens qui viennent et qui visitent la Maison de la Loire, généralement, nous disent bah, « vous avez de la chance ». On reçoit beaucoup de candidatures aussi pour postuler en tant qu'animateur. Le métier de l'animation, c'est un métier qui attire. Il y a beaucoup de choses. On y vient parce que moi, je dirais que là, autour de la table, je vous le souhaite, ce métier. Je vous le souhaite de le faire, mais d'en vivre dignement, de défendre vos métiers, vos valeurs. Mais évidemment que c'est quelque chose qui est souhaitable, au moins dans une partie de sa vie, parce qu'on est dans un métier de relation avec le public, voire même des fois avec des publics qui sont un peu, que l'on ne penserait pas être, hein, des partenaires, des élus, des décideurs. Donc quand vous avez la capacité d'informer, sensibiliser et de convaincre, c'est extrêmement important. Donc vous amenez un peu votre part personnelle et vous êtes à même de représenter votre association des valeurs. Alors c'est valable pour la Loire. Hein, c'est... Donc moi je dirais que, voilà, tu vois, je contourne ta question en disant... Quelles sont les compensations ? Et je pense qu'il ne faut pas faire ce métier-là pour l'argent, pour te répondre. D'accord ? Mais je pense que peu de gens le font pour être pété de thunes. Hein. Faut être clair. Hein. Donc, je vais être vulgaire, mais c'est clair. D'ailleurs, on en a abusé il y a 25 ans, quand j'étais arrivé à la Maison de la Loire. Les gens, presque, il y avait des élus qui s'étonnaient qu'on soit payé. Donc déjà, c'est comique. Aujourd'hui, on n'y pense pas. Mais moi, je répétais, je ne veux pas tirer sur qui que ce soit, mais il y a très tôt, il y a des corporations dans lesquelles on ne se posait pas la question si les personnes qui travaillaient devaient être payées ou pas. Bon, je prenais l'exemple du tourisme. Le tourisme est aussi une forme très positive d'éducation, hein, de mise en valeur du patrimoine. Mais il y a des choses qui étaient bien comprises. L'éducation environnement, elle n'existait pas. On n'imaginait pas il y a 30 ans que quelqu'un ose emmener un public dans la nature et le faire payer pour faire une découverte. Ça se faisait dans la vie associative avec ses adhérents. Donc on a vu toute cette progression se faire. et ce qui est très bien. Les métiers se sont construits. Le métier d'éducateur animateur, aujourd'hui, depuis des années, est reconnu, et effectivement. Donc, mais le reste, ce métier d'éduquer, d'emmener les gens sur le terrain, de leur faire vivre un moment d'immersion dans la nature. D'ailleurs, ce qui est pareil pour le patrimoine, hein. Quand je parle de la nature, c'est les mêmes valeurs pour le patrimoine. Mes collègues du Pays d'Art et d'Histoire ont les mêmes, je dirais, ont le même mérite, ont les mêmes, sont tout à fait dignes d'intérêt, mais voilà. Avez-vous une anecdote sur votre métier ? Ça dépend, drôle ou pas drôle ? Comme vous voulez. Alors, une anecdote, j'en aurais des tas, mais en même temps... Si, on peut raconter, je peux vous raconter quelque chose. Ouais, ça peut être sympa. En fait, quand je suis arrivé à la maison de la Loire, il y a déjà donc très longtemps, 28 ans, il était nécessaire de monter un programme d'animation. Donc, on a essayé de mettre en place des choses que l'on pouvait facilement mettre en place. Et c'est vrai que, finalement, tu as bien fait de poser cette question. C'est vrai que mon intérêt pour le plancton, les algues microscopiques, ont fait que la première année, il y avait un événement, pendant quelques années, il y avait un événement qui s'appelait la science en fête, la fête de la science ou la science en fête. Et donc, on y a vu à la Maison de la Loire un moyen de mettre en avant la Maison de la Loire en participant à cet événement. Et on a dit qu'en même temps, en participant à cet événement, on allait créer une animation sur le plancton, sur les diatomées. Donc nous voilà partis à faire ça, à créer un diaporama. Et du coup, on a équipé de laboratoires, on a été voir les facs de Tours, fac de médecine, fac de sciences pour demander des microscopes. Enfin voilà, on a fait d'une pierre plusieurs coups, on a équipé de laboratoires, on a acquis des connaissances sur ces diatomées, on a même fait des prélèvements pour faire des photos. On a même été à la fac de médecine utiliser le microscope électronique. Enfin voilà, on a pris, on s'est éclaté. Bon. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a abouti à la réalisation d'une animation. Et en fait, c'est là où je vais répondre à ta question. C'est que nous avions avec nous une professeure de biologie à l'université de Tours qui nous avait aidé à identifier les algues que l'on avait photographiées. Et c'était pas gagné. On est arrivé à ça, et j'oublierai jamais parce qu'elle me dit, au moment où on la remercie, elle nous dit écoutez, moi, pour la peine, vous allez m'offrir une sortie en bord de Loire parce que j'aimerais bien voir les oiseaux, etc. Et là, j'ai mon collègue Eric qui sort, qui fait l'animation avec cette dame, et son mari était présent. Et il se trouve que son mari, c'est un professeur, c'était aussi lui un professeur de l'université de Tours, spécialiste des fourmis. Eh bien, durant la sortie en animation, eh bien, en allant dans le sable de la Loire, eh bien, elle a découvert une espèce de fourmi, la Cardiocondyla elegans, une petite fourmi qui présente une très grande adaptation au sable et à la Loire, parce qu'elle vit dans un nid qui est hermétique durant les crues. Donc cette espèce-là, c'est une espèce de plus qui vient montrer un petit peu l'adaptation des espèces de la Loire. Et donc, du coup, après cette sortie-là, il a mis des étudiants à étudier, pour étudier cette fourmi. Pendant des années, on a eu des étudiants face à la Maison de la Loire qui étudiaient donc cette fourmi. Pour vous dire que, sans cette animation sur le plancton, la femme de ce monsieur ne serait pas venue à la Maison de la Loire, elle n'aurait pas demandé une sortie, on n'aurait pas fait cette sortie. Et donc, le professeur spécialiste des fourmis n'aurait peut-être pas, tout de suite, découverte que cette fourmi était en Loire. Ce qui m'amène à vous dire que cette anecdote-là, tout le monde s'en fout en fait. Néanmoins, de s'intéresser à quelque chose, ça amène toujours à trouver des vérités, à trouver des connaissances. Okay. Alors bonjour, je m'incruste très rapidement. Moi, c'est Marcelo. Et par rapport à la question de Corentin tout à l'heure, vous avez parlé d'un premier projet. Qu'est-ce que ça a été ? C'est secret. Ah, d'accord. Non, j'étais un agent du KGB, en fait. Non, c'est une blague. Non, pas du tout. Non, c'était un projet qui était plus lié à l'anatomie, l'ostéologie animale, en archéologie. Mais je n'ai pas passé mon diplôme. Et bon, là, du coup, j'ai donc enseigné pendant 5 ans au Greta, en fait, en formation continue. Mais ça m'a donné envie, justement, de vulgariser d'éduquer, de porter un peu des informations à la connaissance. Donc ça m'a aidé. Mais le premier projet, bah, j'y reviens de temps en temps, je continue, mais bénévolement. En tout cas, j'aurais voulu en faire un métier, mais ça n'a pas été possible. Et donc, voilà. J'ai une question. Avez-vous des origines ? Des origines ? Ah oui, t'as raison. T'as posé une bonne question, en fait. Je suis à moitié corse. Eh oui, Poli, c'est pas italien, t'as raison. Poli, c'est pas italien, c'est corse. Et je le revendique, sans être un nationaliste, parce que je suis issu, pour la moitié de ma famille, d'une vraie famille corse, originaire de Corte et Ajaccio, avec des caractères bien trempés, et je vais pas raconter ma vie, mais avec des ancêtres qui étaient vraiment des Corses, quoi. Je veux dire, des gens de la Corse. Et j'ai honte, je ne suis jamais allé en Corse. Et tout le monde me tanne avec ça en me disant « mais c'est pas possible ». Mais par contre, j'oserais dire que j'ai bien le caractère de la famille. susceptible, pas facile à vivre, un peu de caractère, mais beaucoup de cœur, je pense, sans vouloir me vanter. Et donc oui, j'ai des origines corses. Malheureusement, j'ai souffert de ne pas avoir eu d'affection de cette famille-là. Je le dis parce que mon père a vécu la même chose. Et voilà, c'est une grande famille. Et dans cette grande famille, bah, malheureusement, il y a des exemplaires comme nous qui n'ont pas bénéficié de l'attention qu'ils auraient peut-être mérité. Mais j'ai beaucoup entendu parler de la Corse, j'en entends encore parler. Et, alors, il y a des clichés, hein, faut en prendre et en laisser. Hein, mais il y a des choses vraies, c'est assez intéressant. Donc oui, effectivement, c'est dans mon sang, des origines corses, quoi. Et puis, bien sûr, des origines tourangelles. Hein. Je suis né à Tours, quand même. Hein. Et vous parlez corse ? Absolument pas. Absolument pas. Oui. Mes enfants, mon papa m'avait appris quelques mots, mais par contre, mon papa, avant sa mort, avait donné un petit dictionnaire de gros mots corse à mes enfants. Et j'étais très jaloux, parce que moi, je ne l'ai jamais eu. Il y avait quelques petits mots comme ça. Évidemment, c'était sous l'angle de la plaisanterie. Et c'était assez rigolo, mais... Non, je connais quelques mots évidemment, parce que bon, mais je ne parle pas corse. Est-ce que tu as des questions avant qu'on clôture ou non ? Non, j'ai pas de questions. Je dirais ceci, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter, à échanger avec vous, merci, à recevoir vos questions. Et je dirais, j'ai pas envie de donner des leçons, mais cette initiative est très importante. Continuez. Pourquoi ? Parce que quand on veut protéger l'environnement, quand on veut protéger le patrimoine, je dirais l'important, déjà, si les gens ne sont pas d'accord entre eux sur la protection, qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est ceci, c'est cela, l'important, c'est toujours d'être en capacité de se concerter et d'affronter des idées sans s'affronter. L'affrontement, ça ne veut pas dire se taper dessus, ça veut dire que nos idées se tapent dessus pour faire en sorte qu'il émerge quelque chose. Mais débattre aujourd'hui, c'est important. Là, je pense que... Alors, ça se fait par les médias, mais ça peut se faire aussi sainement dans une réunion. Donc, avoir la capacité de confronter les idées, les avis, avec les règles du débat, c'est hyper important. Donc, merci. Bah, merci à tous. C'était Ismaël, Corentin, Jordan, Eberat et Thierry de la thématique réflexe éco-geste. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt.